dormir bien gentiment dans leur chaste couche. Faut qu'elles découchent, faut qu'elles découchent, comme si les alouettes leur tombaient toutes rôties dans la bouche. Ça vient de la lune sur son pot, ça vient de leur sacré, sens-tu bien mon cœur comme il bat. Ça vient de leur Johnny, oui j'irai où tu iras Johnny. Quand la lune et l'amour brillent sur son haut. Au lieu de travailler pour nous rapporter quelques sous, faut qu'elle s'amuse, faut qu'elle s'amuse, bien sûr elle finisse par crever dans la boue. Où est leur lune sur son haut? Ça vient de leur sacré, sens-tu bien mon cœur comme il bat? Mais où sont-ils leur Johnny? Oui, j'irai où tu iras Johnny. Aujourd'hui, mon mariage avec mademoiselle Polly Pichou, qui m'a suivi par amour afin de partager désormais ma vie. Bien des gens verront là l'action la plus audacieuse que ta jeune entreprise, maquis. Enlever la fille unique de monsieur Pichou. Qui est ce monsieur Pichou? Lui-même te répondrait qu'il est l'homme le plus pauvre de la vie. Tu n'as tout de même pas l'intention de célébrer nos noces ici, Max, c'est qu'une vulgaire écurie. Tu ne vas tout de même pas faire venir monsieur le pasteur ici. Et de plus, je n'ai même pas à nous. Oh non, Max, nous ne devrions pas commencer notre nouvelle existence par une effraction. N'oublie pas que c'est le plus beau jour de notre vie. Mais ma chère enfant, tout marchera comme tu le désires. Tu ne vas tout de même pas trébucher sur le premier obstacle, non? Le mobilier arrive tout de suite. Voici les meubles. Kaamelott, tous mes voeux. Sur le boulevard, il y avait des gens au premier étage, il a d'abord fallu les enfumer. Le meilleur vœu. Dans le quartier, un flic a passé l'arme à gauche. Amateur. Nous avons fait ce que nous avons fumé dans le centre. Trois personnes sont dans un état de désespoir. Amateur et bricoleur. Un monsieur d'un certain âge a pris un mauvais coup, mais je pense pas que ce soit bien grave. Tous mes voeux. Les directives étaient pourtant claires, non? Évitez toute effusion de sang. J'en ai mal à rien d'y penser. Vous ne serez jamais des hommes d'affaires, des cannibales! Mais pas des hommes d'affaires. Allez! Tous mes voeux de bonheur! Ah, le clavecin, madame, appartenait à une demi-heure et une duchesse! Qu'est-ce que c'est que ces meubles? Te plais-je, Polly? Oh, tous ces pauvres gens, pour quelques meubles! Mais quel meuble, hein? Tu la cablotes! Tu as tout à fait raison de protester, hein? Un clavecin en bois de rouge et à côté un chauffard à l'essence! Ah, c'est impardonnable! Y a-t-il au moins une table? Une table? Allez, les gars, une table! Oh, Max! Max, je ne suis pas amoureuse. J'espère que monsieur le pasteur ne viendra pas. Oh, bien sûr que si, madame, nous lui avons très précisément indiqué le chemin. Ah, oui. Ma femme est dans tous ses états, hein? Une table. Y a-t-il au moins d'autres chaises? Un clavecin en bois de rouge et pas de chaise, hein? Mais vous ne pensiez à rien? Ce n'est pourtant pas si souvent que je célèbre mon mariage, non? Combien de fois cela s'est-il déjà produit, jeune saufleureur? Combien de fois cela s'est-il déjà produit, disais-je, que je vous charge de quelque chose? Et voilà que dès le premier jour, vous rendez ma femme malheureuse. Oh, cher Polly! Cher Polly! Cher Polly! Non, mais dis donc, Je vais te faire rentrer la tête dans le ventre, moi, avec tes chers polis. Un puissant personnage. Cher Polly, tu as peut-être couché avec elle, non? Voyons, Marc! Oh, mais je te jure, madame, si quelque chose manque dans le mobilier, nous irons tout de suite. Un clavecin en bois de rouge et pas de chaise. Qu'en penses-tu, jeune mariée? C'est pas très grave. Deux chaises et un sofa et les mariés s'assoient par terre. Oui, c'est un peu vrai, ça. Sciez les pieds du clavecin. Voilà. Allez, vite. Ça fait quand même un bon, ça. Laisse maintenant prier ce monsieur de quitter ses loques crasseuses et de s'habiller correctement. Hein. Après tout, ce n'est pas le mariage de n'importe qui, non? Allez. Oui, puis-je te prier de t'occuper de la bouffe? C'est dans ça le repas de noces, Mac. Tout a été volé. Bien sûr. Je te montrerai ce que ton mari fait dans ces cas-là. Excuse-moi pour aujourd'hui, madame. Toute la garde est allée chercher la reine. Le couronnement est pour vendredi. Deux boutons et 14 fourchettes. Un couteau par chaise. Et Tachi, c'est du travail d'apprenti, ce n'est pas du travail d'homme. Vous n'avez donc pas la moindre notion des styles. On va savoir distinguer le Chippendel de Louis XIV. Pour la dire vrai, nous avons pu servir de plus de valeur. Mais regarde-moi savoir, le mobilier est de tout premier ordre. Permettez, capitaine. Allez, viens ici. Permettez-moi, capitaine, de vous présenter en ce jour qui est le plus beau de votre vie, dans la fleur printanière de votre carrière, je veux dire, tournant décisif, nos vœux les plus cordiaux, et en même temps les plus chaleureux, et les plus insistants. Et ainsi de suite. Enfin, bref, tête haute, vieille branche. Je te remercie, Mathias. C'était chic de ta part. Ce sont des élans qui viennent du cœur, quoi. Bon, alors, ne te laisse pas mollir, vieille noix. Je veux dire, pour ce qui est de la tête, il ne faut pas la laisser pendre. Tu peux aller placer des obscénités chez ta Kitty. C'est exactement le genre de traîner à qui ça plaît. Ne sois pas si vulgaire. Mais enfin, je proteste. Je permets à personne d'appeler Kitty. Ah, tu protestes. D'ailleurs, je ne permets jamais d'obscénité avec Kitty. C'est une personne que je respecte beaucoup trop pour ça, mais c'est des choses que tu peux sans doute pas comprendre, fais comme tu l'es, oui, ah oui, oui. Ça te va bien de parler d'obscénité. Tu crois que Lucie m'a pas raconté tout ce que tu lui as dit? À côté de toi, j'ai des manières de prince. Ah. Allons, allons, aujourd'hui, c'est la noce. Ouais, c'est les noces, hein, Polly, n'est-ce pas? Se ramasser de fripouille le jour de ton mariage. Je n'aurais pas pensé non plus que ses amis laisseraient tomber ton mari de cette manière, hein. Retiens la leçon. Je trouve tout très joli, Mac. Allons, les gars, ça suffit. Il n'a jamais été question de laisser tomber personne. Entre amis, on peut pas toujours être du même avis. Ah, bah, voyons. T'as quitté alors, mon bien et l'autre. Mais maintenant, fausse monnaie, sors nous ton galon de mariage. Allez, les gars, allez, maître. C'est peut-être encore une obscénité, ça, hein, capitaine? Oh, ça va, ça va bien, je ne voulais pas te vexer, hein, je te prie. Et ça, hé. Chippendel? Louis XIV. Oh, comme c'est fantastique! Oh, comme je suis heureuse! Vous avez vraiment des attentions touchantes! Dommage que nous n'ayons pas d'appartement, n'est-ce pas, Max? Bon, bon, ça viendra, hein, il n'y a que le premier pas qui coûte. Allez, merci aussi à toi, Walter. Rangez-moi tout ça, et maintenant, la table. Allez. Encore une fois, j'arrive les mains vides. Oh, vous pouvez pas vous rendre compte, ma petite dame, à quel point ça m'est désagréable. Ça n'a aucune importance, monsieur Jacob, je le crochu. Tous les gars font les malins avec leurs cadeaux et je reste planté là comme un imbécile, mettez-vous à ma place. Il n'y a qu'à moi que ça arrive, ces choses-là. Oh, je pourrais vous imaginer de ces situations, ça vous en boucherait un coin. Tenez, c'est pas plus tard qu'hier. Je rencontre Génie des Lupanards. Génie, que je lui fais vieille peau. Oui. C'est maintenant, Polly. En ce jour mémorable, tu vas faire un repas dont tu te souviendras. Puis-je te prier de passer à table? Belles assiettes, Savoy Hôtel. Les œufs en mayonnaise sont du Grand Hôtel. Il y avait aussi une terrine de foie gras, mais Julie l'a dévoré en route parce qu'il avait la dent. Ah, chez les gens bien, on ne dit pas avoir la dent. Oh, Eddie, voyons, n'avale pas tes œufs tout ronds, un jour comme aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un ne pourrait pas chanter quelque chose, hein? Quelque chose d'un peu relevé. Ah, relevé, oui. C'est le cas de dire, hein. Je ne voulais pas qu'on se mette à table tout de suite. On s'est dit à table, en vitesse, et faites-nous en plein la lampe. Et qu'il se passe quelque chose de plus réjouissant, quoi, de plus poétique, non? C'est les autres, c'est ce qui se passe généralement dans ces cas-là, hein? Quoi, par exemple? Et quoi, par exemple? Il faut que je pense à tout, alors. Je ne vous demande pas à l'opéra, je vous demande quelque chose qui nous change un peu de la bouffe. Et des gaudrioles. C'est un jour comme aujourd'hui qu'on voit si on peut compter sur ses amis. Hein? Vous n'en avez jamais boulotté de pareil. Mais c'est tous les jours comme ça chez ma clignotineur. Eh ah. Oui. Ah, vous pouvez dire que vous tenez l'assiette au beurre. Moi, je l'ai toujours dit. Mac, voilà un parti pour une fille qui a le sens de la grande vie. C'est ce que je disais pas plus tard qu'hier à Lucie. Lucie? Oui. C'est Lucie, Mac. Lucie, vous savez, faut pas y attacher trop d'importance. Vous voulez quelque chose? Le poivre, peut-être? Vous disiez, monsieur Jacob? Rien, rien du tout, vraiment, je voulais vraiment rien dire du tout. D'ailleurs, je m'en mordrai la langue. Qu'est-ce que tu tiens à la main, Jacob? Un couteau, capitaine. Et qu'est-ce que tu as dans ton assiette? Une truite, capitaine. Une truite, c'est cela. Avec ton couteau, tu coupes ta truite, n'est-ce pas? Ah, oh, c'est inouï. Son poisson avec un couteau. Il n'y a qu'un cochon pour faire ça, tu m'as compris, Jacob? Retire la leçon. Ah, Polly, tu vas voir de toutes les couleurs pour faire de ces racailles, les êtres humains. Savez-vous, moi, ce que c'est, un être humain? Un être humain ou une créature? Monsieur Walter! Alors, personne ne veut chanter une chanson, non? Ça sera donc un foutu jour comme tous les autres. Aussi triste, aussi banal. À propos, est-ce qu'il y a quelqu'un de garde à l'entrée? Ah, parce que ça aussi, il faudrait que je m'en occupe, hein. Un jour comme aujourd'hui, il faudrait que j'aille me poster à l'entrée. Alors vous êtes en train de vous bafouer à mes frères. Qu'est-ce que ça veut dire, à mes frères? C'était quoi, Walter? J'y vais. Ça serait très amusant qu'un jour comme aujourd'hui, tous les invités passent à la casserole. Captain! 22! Un bras, le steak à bras! Ah non, c'est un grand père Kimball. J'ai fini par vous dénicher. C'est une humble cabane où je vous trouve. Mais propriété légitime. Du duc de Devonshire. Bonjour, révérend. Oh, comme je suis heureuse, révérend. Qu'au plus beau jour de notre vie. Mes amis, je m'en voudrais de ne pas dire à ce jeune couple ici même, devant cette table bien sentie, quelques mots richement garnis. Devant cette table richement garnie, quelques mots bien sentis. Et oui, nous avons tous besoin, au moment crucial de notre vie, du conseil d'un ami, d'un conseil qui nous ouvre les yeux. Et que faut-il entendre par là quand je dis qu'il nous ouvre les yeux, cher ami? Au moment de serrer dans tes bras pour l'éternité ta jeune épouse ici présente, songe bien à ceci. Dans toutes les occasions de la vie, et la vie n'est faite que d'occasions, il y a le devant et il y a le derrière. Et il y a des gens qui voient ce qui est devant, mais qui ne voient pas ce qui est derrière. Eh bien, maintenant un petit cantique en l'honneur du révérend Kimball. Que pensez-vous de Bill Logan et Mary Sawyer, les gars, hein? Oui, Bill Logan, Sawyer et Tuck. Ah oui, ce serait chouette si vous en poussiez une, les gars. Allons-y, messieurs.